Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional de l'édition du 27 août. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional avec, d'abord, on est hier dans la section entrevue de DanRadioSport.com. On a parlé avec le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, pour parler de la campagne de financement qui a été lancée au cours des derniers jours. On veut trouver 1,5 million parmi les commerçants, les entreprises et les organismes du milieu pour financer le projet Aquagym. Et dans un premier temps, il nous explique le choix des trois ambassadeurs, soit Justin Saint-Pierre, également Sylvie Bernier et Pierre Lavoie. Je pense que ces trois personnes qui représentent extrêmement bien là, ce qu'on veut faire à Dolbeau-Mistassini, c'est-à-dire la promotion des saines habitudes de vie. On sait que ça va être un complexe, donc il va y avoir une piscine, il va y avoir un gymnase, et il va y avoir évidemment là, l'aréna, donc tout ça mis ensemble là, va sûrement faire en sorte que les gens vont pouvoir utiliser ces installations-là. C'est quand même confiant de réussir cet objectif. Et ce que les chiffres nous disent, c'est qu'ils sont très confiants qu'on arrive à aller chercher ce montant-là. Puis faut oublier là, que c'est l'infrastructure la plus utilisée dans la MRC, parce que tu sais, vous le savez, c'est un projet de la ville de Dolbeau-Mistassini-Port. Mais tous les gens de la MRC vont utiliser ces infrastructures-là. On a aussi la section gymnase, on l'a dit, avec Madilut, là, qui a quand même près de 400 jeunes filles qui vont utiliser ces infrastructures-là aussi. Donc, c'est pour ça que pour nous, là, 1,5 million, là, c'est quelque chose, là, que, comme vous avez dit, qui est pas facile à ramasser. Mais on est extrêmement confiants. Puis, vous savez, c'est un défi. Puis, nous, on va relever le défi. Donc, on va. Parlons football maintenant. Hier, on a parlé dans la section entrevue de DanRadioSport.com avec l'instructeur des Carabins, Danny Machocha. Danny Machocha, qui est évidemment l'instructeur de Philippe Lavoie, natif de Saint-Jean-d'Arc. Et il ne tarit pas de loge envers le secondaire natif de cette petite municipalité au Lac-Saint-Jean. Ben écoute, depuis qu'il a mis pied à l'Université de Montréal, il travaille tellement fort. On était vraiment satisfaits avec son camp. Puis on était satisfait avec sa performance aux unités spéciales vendredi passé à Concordia. C'est un jeune qui a tout un avenir devant lui. C'est un joueur qui va avoir un impact cette année pour nous. Puis il va avoir un mot à dire dans notre succès pendant les prochaines années, c'est sûr et certain. Alors, puis c'est un bon kid, un jeune qui est très tranquille, qui est très sharp, qui est bien respecté déjà par ses coéquipiers dans le vestiaire. Alors, on est tellement chanceux de l'avoir avec nous. On va y aller de semaine en semaine dans le cas de Philippe Lavoie, explique Danny Machocha. Bien, ça se peut qu'il va y avoir de l'action. On n'est pas rendu là encore, okay. Parce que c'est sûr qu'on va continuer de changer nos fronts de semaine en semaine. Alors, des fois, ça se peut qu'on va jouer avec un joueur de ligne de moins, puis avec un autre secondeur. Alors, si c'est le cas, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'action. Mais la réalité, c'est que, comme j'ai dit au tout début, là, c'est un jeune qui est déjà en train de s'établir ici à l'université, puis dans les football universitaires, puis il va nous aider, c'est sûr, certain. OK. Et devant le fait qu'il n'a pas été capable de se tailler une place avec les Saguenayens, l'attaquant Mickey Sim à Wachish, natif de Mastouillache, a été échangé hier au Dracar de Bécomo en retour d'un choix de 10e ronde en 2020. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé d'abord avec le golfeur de Saint-Prime, Kevin Fortin-Simard, qui nous parle de son passage sur la PGA Europe. Également, on a parlé avec l'instructeur-chef des Carabins de Montréal, Danny Machocha. Et vous pouvez également écouter l'entrevue que j'ai réalisée aussi avec le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier. Sport local et régional, à DanRadioSport.com. On s'en occupe.